professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, qu'on vise au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Comment la Chine des Han s'est-elle ouverte aux autres? Pourquoi reprendre la formule de Tsvetan Todorov sur la question de l'autre? Et qui sont les Indiens du Nouveau Monde? Que peut-on apprendre des controverses au XVIe siècle et des débats sur l'humanité des peuples conquis en Amérique latine? Comment les Han ont-ils essayé de mettre en place une diplomatie des mariages et des otages pour dépasser les affrontements avec les Chongyu, ces nomades au cœur de tigre, aux marges de l'Empire? Nous poursuivons cette semaine le troisième cycle de la série pluriannuelle Universalité, mondialité, cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde, série initiée en 2015-2016 par Han Cheng, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Et selon la formule de la sinologue, nous voici lancés dans une grande enquête où il s'agit de décentrer la Chine et de regarder au-delà de son poids géopolitique. Han Cheng nous propose de questionner les empires antiques chinois sur la longue durée et un espace circulatoire plus large où s'esquissent les interactions avec les marges dites sauvages, mais aussi les grands voisins, l'Inde et le Japon. Il s'agit d'interroger, nous dit-elle, la prétention chinoise à l'universalité. Dans une grande et stimulante interview donnée en 2010 au journal Vacarme, Han Cheng notait, je la cite, « Le pouvoir actuel est en train de promouvoir un discours identitariste et nationaliste qui fait référence à une culture chinoise réinventée, voire inventée de toutes pièces. Nous, les Chinois, nous avons une culture continue longue de 5000 ans. Il y a peu, on n'en était encore qu'à 3000. » Dans cette surenchère, l'intention est tout à fait claire. Il s'agit de damer le pion à la Mésopotamie ou à l'Égypte et de remettre les Grecs à leur place. Nous avons vu la semaine dernière comment les Han ont découvert, au-delà de leur marge barbare, loin à l'ouest, un grand et noble centre de civilisation comparable aux pays du milieu, avec les échanges avec l'Empire romain. Dans la même interview, Han Cheng notait encore, et je la cite, « Quant à ce nous de la Chine, il faut le rapporter à une classification d'origine stalinienne qui distingue une ethnie majoritaire, les Han, et des minorités ethniques, les Ouïghours, les Mongols, les Tibétains, les Mandchous, les Miao, etc. En réalité, rien ne permet de constituer les Han comme une entité à part. » Au travers du commentaire précis des sources anciennes chinoises, Han Cheng revisite l'histoire antique et diplomatique de la Chine entre rêve autocentré et quête d'universalité cette semaine. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 7 décembre 2017 pour le cours d'Han Cheng, aujourd'hui, comment traiter avec les sauvages. Donc, comme vous en souvenez, en poursuivant notre enquête sur la façon dont la centralité chinoise a appréhendé ses autres, c'est-à-dire ceux qu'elle considère comme étant en dehors de la portée du centre civilisateur, Nous avons vu que les choses sont moins simples et les dichotomies moins tranchées qu'il n'y paraît ou qu'on ne l'a dit. Donc, pour les Confucéens, je vous le rappelle, la différence entre humain et animal ne tient qu'à un fil ténu, qui est le fait de savoir préserver ou pas un comportement ritualisé, lequel consiste à nourrir une énergie vitale, un qi, donc une énergie bonne et harmonieuse, par opposition au fait de laisser libre cours au débordement d'une énergie violente et destructrice. Donc, pour les maoïstes, qui, nous l'avons vu, sont les premiers critiques du ritualisme confucéen, dans son aspect excessivement élaboré, compassé et surtout dispendieux, tout est une question de point de vue, dans une perspective que nous qualifierions de relativisme culturel. À savoir que les différences entre nous civilisés et les autres sauvages sont de simples différences, au fond, d'habitude, d'us et de coutumes. Et le jugement moral que nous portons sur les mœurs de ces peuples à l'est de Yue, au sud de Chu, ou à l'ouest de Qin, qui mangent leurs enfants ou brûlent leurs morts. Donc, toutes ces coutumes ne tiennent... le jugement moral que nous portons sur ces coutumes ne tient qu'à notre point de vue, conditionné par des mœurs différentes, tout simplement. Alors, ce qui n'a pas manqué de nous renvoyer à notre Montaigne nationale. Ça fait plaisir de relire Montaigne de temps en temps. Et Montaigne dit à peu près la même chose à propos donc de ces Indiens du Brésil, ces Tupinamba, à qui l'on attribue des mœurs cannibales. En tout cas, ça, c'est quelque chose qui a beaucoup frappé les esprits. Et ces Indiens que Montaigne aurait rencontrés lors de la visite du roi de France tout jeune, Charles IX, à Rouen, donc en 1562, c'est-à-dire donc 12 ans après la scène qui concerne donc le roi Henri II, entrant en triomphe donc dans la ville de Rouen. Et Rouen lui fait la fête en exhibant donc ces Indiens tout nus, ces sauvages tout nus. Donc, alors, la concomitance de la découverte du Nouveau Monde et de ces sauvages et, d'autre part, des guerres de religion en Europe et en France tout particulièrement. Donc cette concomitance a inspiré à Montaigne les réflexions qu'il livre dans le chapitre des cannibales de ses essais dont nous avons lu certaines parties la dernière fois. Alors, cette concomitance, nous la voyons dans les illustrations de l'époque. Vous avez ici une scène, si j'ose dire, de barbecue de chair humaine que nous devons donc à un certain André Thevet, qui a vécu entre 1502 et 1590, donc un moine qui a débarqué donc au Brésil et qui a décrit par le menu donc les coutumes des Indiens Tupis, donc dans son livre Les singularités de la France antarctique. C'est comme ça qu'il désignait donc le Brésil. Et vous avez, de façon concomitante, ce fameux tableau dû à François Dubois, donc un protestant réfugié à Genève, à peu près contemporain aussi, qui a vécu de 1529 à 1784, ce tableau qui représente donc le massacre de la Saint-Barthélemy dans une nuit d'août 1572. C'est un tableau que vous voyez au musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne. Donc vous voyez que là, en fait, Montaigne avait quelques raisons de dire que finalement, je préfère des gens qui mangent de la chair humaine morte plutôt que vivante. Hein. Donc ici, vous avez ce parallèle qui est assez frappant. Alors, donc, au moment même où ces Indiens sont exhibés en spectacle pour le divertissement du roi de France, et où en même temps font rage donc les guerres de religion en France, se tient en Espagne la fameuse controverse de Valladolid, donc sur laquelle nous terminions la dernière fois. Donc je rappelle les circonstances de cette controverse. Nous sommes donc en Espagne, dans l'Espagne du XVIe siècle. Christophe Colomb, comme vous le savez, vient de découvrir ce qu'il appelle les Amériques en 1492, et immédiatement après, donc les Espagnols et les Portugais donc commencent à coloniser donc le Nouveau Monde. Donc ici, vous avez une représentation de l'arrivée de Christophe Colomb sur Hispaniola, c'est-à-dire donc l'actuel Haïti Saint-Domingue. Le 6 décembre 1492, il est reçu par les Indiens Arawak. Vous voyez donc les bateaux de Christophe Colomb à l'arrière-plan. La première chose qu'on fait, c'est donc de planter une croix sur la nouvelle terre. Et vous avez donc ces Européens donc armés de pied en cap face à donc des indigènes tout nus qui viennent avec des cadeaux. Alors, vous avez certains témoins justement de ce processus de colonisation dans la personne de certains missionnaires, comme le missionnaire dominicain Diego Duran, donc missionnaire dominicain espagnol, à peu près contemporain de Montaigne, puisqu'il a vécu entre 1537 et 1588. Je rappelle que Montaigne est né en 1533 et qu'il est mort en 1592. Et Diego Duran, donc, qui s'est rendu au Nouveau Monde, en a fait un récit dans son Historia de las Indias de Nueva España, hein, c'est-à-dire donc l'histoire des Indes de la Nouvelle-Espagne, qu'il a terminé en 1579. Et ici, vous avez une scène qui représente, encore une fois, ce face-à-face, cet affrontement, où on voit donc évidemment un écart, une inégalité technologique, avec d'un côté donc les Espagnols donc armés de lances et d'arquebuses, et de l'autre côté donc des Indiens qui portent uniquement des piques et des flèches. Hein. Alors, je rappelle, là aussi, pour moi, c'est l'occasion de rappeler le souvenir d'un ami proche qui est décédé il n'y a pas très longtemps, Tsvetan Todorov, qui s'est intéressé donc à cette question, la question de l'autre, sous la forme justement d'une enquête sur la conquête de l'Amérique. Donc, c'est le titre qu'il a donné à un livre paru aux éditions du Seuil en 1982. Et Tsvetan Todorov a également consacré un autre livre sur la même question, mais du point de vue français, intitulé très fameusement donc « Nous et les autres ». et le sous-titre est « La réflexion française sur la diversité humaine ». Où, évidemment, une belle part est faite à Montaigne. Je rappelle que ce processus de colonisation a impliqué donc de gros dégâts donc dans la population indigène, donc qui a été décimée par les maladies apportées par les colons, la variole, la rougeole, les maladies vénériennes, etc., et qui, par-dessus le marché, s'est fait largement massacrer et dépossédée donc de leur espace. Et enrôlés de force, c'est-à-dire réduits pratiquement en esclavage, dans ce qu'on appelait les encomiendas, donc les propriétés donc des colons. Alors, il faut quand même signaler que l'Église a réagi quand même assez pratique. Des papes s'en sont mêlés. Les souverains européens s'en sont même émus. Même Isabelle la catholique, la très catholique reine d'Espagne, s'est émue donc de ces pratiques. Et à son tour, donc l'empereur Charles Quint a essayé de promulguer des lois justement pour contrôler le comportement des colons et protéger les Indiens. Mais ce sont des lois qui sont restées largement lettre morte. Et c'est donc dans ce contexte que Charles Quint et certains papes, donc le pape Paul III et suivi de Jules III, ont décidé d'organiser donc une controverse à Valladolid qui a duré presque une année, donc entre l'été 1550 et le printemps 1551. En présence d'une quinzaine de théologiens. Et donc la grande question était de savoir, au fond, qui sont ces Indiens. Alors maintenant, nous avons pris l'habitude de les appeler les Amérindiens, pour ne pas les confondre avec les Indiens de l'Inde, dont il sera beaucoup question cette année dans notre recherche. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelait les Indios, donc ces Indiens? Il faut les considérer comme des êtres inférieurs, ou bien est-ce que force est de constater que ce sont des hommes comme nous, c'est-à-dire comme nous, les Européens? Alors, à cette controverse, le pape envoie un légat, donc le cardinal Ronchieri, et vous avez donc face à face un certain Las Casas, donc un dominicain, un ancien évêque au Mexique, et c'est lui donc qui se fait le défenseur, l'avocat des Indiens. Las Casas a notamment rédigé donc ce qu'il a intitulé la très brève relation de la destruction des Indes. Et en face, vous avez donc un jésuite du nom de Sepúlveda, grand théologien et traducteur donc notamment d'Aristote, un détail important pour le débat. Alors, bien sûr, l'enjeu de cette controverse est bien connu, puisque la colonisation du Nouveau Monde rapporte énormément. On y découvre des mines d'or, des mines d'argent, et en Europe même, il y a bien sûr des enjeux géopolitiques, puisque Charles Quint est aux prises avec les Maures, ce qu'on appelle les Maures en Espagne, avec donc Soliman le Magnifique donc à l'est, et au nord avec les puissances que sont les royaumes de France et d'Angleterre. Par conséquent, donc, pour lui, l'expansion vers l'Amérique à l'ouest et vers l'Afrique au sud est quelque chose de tout à fait crucial. Alors, concernant justement la façon de considérer ces Indiens, Vous avez donc plusieurs. Le débat se situe à plusieurs niveaux. Alors, vous avez bien sûr, dans le contexte de l'Espagne de l'époque, d'abord le niveau théologique, hein, c'est-à-dire est-ce que donc ces indios sont à considérer ou non comme des fils de Dieu. Alors, s'ils sont fils de Dieu, ça veut dire qu'ils sont nos prochains, hein, nos semblables, nos prochains, et que nous devons les traiter comme tout autre frère. Hein. Ou alors, si nous décidons hein, que ce ne sont pas des fils de Dieu, à ce moment-là, nous pouvons faire absolument ce que nous voulons. Sur le plan, disons, plus philosophique, et c'est là qu'Aristote donc entre en ligne de compte, et c'est là un des grands arguments de Sepúlveda, justement, est-ce qu'il faut considérer que ce sont éventuellement des êtres à peu près humains comme nous, mais d'une humanité inférieure, hein, c'est-à-dire ce qu'Aristote a appelé des esclaves de nature. Alors évidemment, ça c'est un argument que Las Casas enfin, récuse absolument. Ou alors, si nous adoptons un point de vue plus anthropologique, est-ce qu'il faut considérer que ce sont des animaux, des bêtes, hein, des sortes de singes, hein, ou alors est-ce que ce sont certes des sauvages, mais des bons sauvages, parce que en fait ça c'était l'opinion entretenue par Christophe Colomb tout au début donc de son exploration du Nouveau Monde. Ou alors est-ce qu'il faut vraiment considérer que ce sont des barbares absolus, hein, parce qu'il y a quelque chose qui a vraiment beaucoup marqué les esprits, c'est leur rituel de sacrifices humains, hein, dont vous voyez ici une illustration due à un autre missionnaire franciscain, celui-là, nommé Bernardino de Sahagún, hein, dont Tsvetan Todorov parle également dans son livre. Et vous avez donc une image de ce sacrifice humain. Vous avez un pauvre individu donc qui est tenu par les bras et les jambes, et en fait on lui ouvre donc la poitrine pour en extraire le cœur, parce que en fait ce qui est véritablement de valeur c'est le cœur encore battant, hein, donc là et tout ça sans anesthésie évidemment. Donc ça a vraiment beaucoup frappé les esprits, parce que c'est une scène qu'on retrouve dans beaucoup d'ouvrages de cette époque, hein. Donc, au fond, ces Indiens, comment est-ce qu'il faut les considérer? Alors, je vous passe le détail de la controverse, mais toujours est-il que cette controverse se conclut en reconnaissant finalement le caractère humain de ces Amérindiens. Hein, mais pour que, alors là, c'est évidemment le petit arrangement qu'il faut bien trouver, pour que l'utilisation des esclaves puisse continuer. Hein, du coup, en fait, on se rabat sur les Africains. Et c'est là, évidemment, que le malheur, justement, de l'Afrique commence. Hein, parce que les Africains, là, on ne va pas organiser une controverse à leur propos, on va décider, une fois pour toutes, hein, que ce ne sont pas des humains. Par conséquent, on peut les traiter comme des bêtes de somme, hein, puisque la bonne raison, hein, pure et simple, c'est qu'ils sont noirs comme le diable, et comme les êtres de l'enfer. Et comme disait donc Alain Mabankou dans la très belle conférence qu'il a faite ici au Collège de France, ça a été le départ justement du drame de l'homme noir, hein, d'être assimilé donc par sa couleur noire donc au diable et à l'enfer. Le Collège de France et France Culture vous présente Anne Chang, aujourd'hui, comment traiter avec les sauvages. Alors, maintenant, si nous revenons à nos sauvages vus par la centralité chinoise et à ce passage que nous lisions l'année dernière, il est intéressant d'observer la façon dont la métaphore de la bête sauvage, dont nous parlions la dernière fois, hein, cette fameuse expression « ruo qin shou », c'est-à-dire « il se comporte comme des bêtes sauvages et des oiseaux », des oiseaux et des bêtes sauvages », c'est très intéressant de voir comment cette métaphore devient un poncif de la rhétorique belliqueuse, « va-t-en-guerre », les Américains diraient la littérature hawkish, c'est-à-dire des aigles, par opposition aux doves, c'est-à-dire aux colombes pacifistes. Donc la rhétorique va-t-en-guerre qui justifie la politique de conquête et d'expansion menée par les Han, et notamment donc par l'empereur Han Wudi, donc sous les Han antérieurs. Donc vous avez ici un passage du chapitre consacré aux Xiongnu, donc ces nomades du nord et de l'ouest de l'espace chinois de l'époque, un chapitre qui figure dans le Han Shu, c'est-à-dire donc les annales des Han antérieurs. Et nous avons vu donc dans ce passage un morceau de bravoure qui aligne absolument tous les poncifs rhétorique et tous les lieux communs concernant donc ces yidi, c'est-à-dire ces gens non civilisés, et ce serait intéressant de comparer justement avec le passage du chapitre sur les institutions royales, le Wangzhi du Liji, donc du traité des rites que nous lisions précédemment, parce qu'on retrouve mot à mot les mêmes expressions. Alors, je ne relis pas dans le détail ce passage, mais j'en rappelle donc la traduction. Alors, lorsque les anciens rois arpentèrent la terre, donc là, il est fait allusion justement à l'empereur le grand Yu le Grand, Yu Gong. Les anciens rois arpentèrent la terre, ils placèrent au centre, donc vous avez ici ce fameux mot « zhong », ici, le centre, le domaine royal, délimitèrent 9 provinces, donc ici, ce sont les Jiuzhou, donc délimités par Yu le Grand. Ils aménagèrent 5 zones d'allégeance, les Wufu, dont j'ai beaucoup parlé, ces zones un petit peu concentriques, fixèrent le tribut de chaque terre. Donc c'est là qu'on voit justement quel est au fond l'objectif de cet aménagement du territoire, c'est au fond de taxer les populations. Bon, un problème que nous connaissons bien aussi ici en France. On y pense évidemment chaque fois avec douleur en admirant sa déclaration de revenus. Mais là vous voyez en fait ce que font les Chinois donc dans leur espace. Et instaurèrent ainsi la distinction entre intérieur, né, et extérieur, ouais, né. Donc cette distinction, on va le voir justement, c'est une distinction qui a sa portée fiscale, si j'ose dire. Alors tantôt, ces anciens rois imposaient gouvernement et châtiment, tantôt, ils décrétaient vertu et raffinement, car ceux qui sont loin, c'est-à-dire sous-entendu les sauvages, et ceux qui sont proches, sous-entendu les civilisés, nous autres, n'ont pas les mêmes propensions. Alors, en clair, ça veut dire les sauvages ont besoin d'être gouvernés par les châtiments, il n'y a que ça qui marche sur eux, alors que nous, civilisés, nous nous gouvernons par l'exemple de la vertu royale. Alors voilà pourquoi les annales des printemps et automnes, donc le Chunqiu, un classique attribué à, enfin en tout cas associé à la figure de Confucius, puisqu'il s'agit d'annales du pays de Lu, c'est-à-dire du pays natal de Confucius, voilà pourquoi les annales des printemps et automnes traite les chiens, c'est-à-dire donc les pays centraux, comme étant à l'intérieur, et les yidis, c'est-à-dire les sauvages, comme à l'extérieur. Bon. Alors maintenant commence une description, donc avec tous ces poncifs, concernant donc les yidis, ces sauvages, qui sont cupides, qui n'aiment que le profit, comme si évidemment c'était pas le propre de tout être humain. Bon, ils portent les cheveux dénoués, ça on l'a déjà assez souligné, et croisent leur tunique à gauche. Alors vous avez un fameux passage des Entretiens de Confucius où Confucius dit à propos d'un certain Quan Zhong. S'il n'y avait pas eu Quan Zhong, nous porterions notre tunique croisée à gauche, c'est-à-dire nous serions devenus des barbares. Hein. Et après vous avez cette expression importante pour nous, Zhen Mian Shou Xin, c'est-à-dire donc ils ont des visages d'hommes. Hein, mais des cœurs de bêtes sauvages. Alors, il est très intéressant de noter que cette expression, qui devait faire fortune dans la littérature Vatanguerre, la littérature hawkish, donc, ne figure nulle part dans le récit parallèle du Shidi. Le Shidi qui sont les annales historiques de Sima Qian, sur lesquelles se calquent donc les annales des Han. Alors là, vous avez une différence assez notoire qui vous montre que le Shidi de Sima Qian en fait présente les Xiongnu sous un jour beaucoup plus favorable. Alors le texte du Han Shu continue. Il porte des insignes et des vêtements différents de ceux des pays centraux. Ils ont des us et coutumes différents. Ils ne boivent ni ne mangent les mêmes choses. Et là aussi, détail important pour nous, yin yu po tong, c'est-à-dire donc leur langue, leur parler ne communique pas, ne peuvent pas communiquer avec donc celle des pays centraux. D'où la nécessité justement de recourir à des médiateurs, des interprètes. Ils s'en vont au loin, habiter les contrées sauvages aux confins du nord, froides et humides. Ils suivent leur bétail à travers les espaces herbus et chassent pour vivre. Donc ça, c'est vraiment le mode de vie nomade. Ils sont séparés, sous-entendu, des pays centraux par montagnes et vallées et par l'écran de sable du désert. C'est ainsi que le ciel et la terre délimitent l'extérieur et l'intérieur. Autrement dit, on nous présente cette différence toujours entre wai et nei, entre extérieur et intérieur, comme une différence naturelle qui est sanctionnée par le ciel et la terre. Et voilà pourquoi les anciens rois traitaient ces gens-là, ces yidi, comme des oiseaux et des bêtes sauvages. Vous avez cette phrase, donc, shigu, sheng wang, qin shou xu zhi. C'est-à-dire, donc, vous avez ce verbe xu qui veut dire donc élever du bétail. Donc, en fait, les anciens rois donc considéraient donc ces gens-là comme des bêtes sauvages et des oiseaux en les traitant comme du bétail. Et les anciens rois ne s'engageaient avec ces yidi sur aucun traité ni aucun serment et ne lançaient contre eux aucune expédition punitive. Autrement dit, il n'y avait pas de contact. Parce qu'en effet, si vous faites un traité avec eux, ils dilapident les présents et vous dupent. Si vous les attaquez, ils épuisent vos troupes et appellent au brigandage. En effet, leurs terres ne sont pas cultivables pour les nourrir, c'est pour ça qu'ils doivent recourir au brigandage, et leurs gens ne sont pas traitables comme des sujets. Autrement dit, on ne peut pas les taxer, comme les paysans sédentaires des pays centraux. C'est pourquoi on les considère comme à l'extérieur et non à l'intérieur, comme étrangers et non comme membres de la famille. Le gouvernement et l'éducation, par l'exemple, propre aux pays centraux, ne les atteignent pas. le calendrier ne s'applique pas à eux, hein, et s'ils viennent chez nous, il faut donc les frapper et les repousser, et quand ils s'en vont, il faut se tenir prêt et se prémunir contre eux, hein, d'où la construction justement de ces murailles, hein, de protection. Mais, alors, et c'est là que vous avez quelque chose de franchement intéressant, donc au bas du texte, « qi mu yi er gong xian », c'est-à-dire donc, s'il leur arrive d'aspirer, hein, à notre sens du juste, hein, c'est-à-dire d'adhérer à notre sens de la morale, et de nous soumettre le tribut, hein, donc là vous avez un intéressant mélange alors justement du sens moral et de la politique fiscale, hein, parce qu'au fond, tout ce qui est vraiment intéressant, c'est pas qu'ils reconnaissent notre sens moral, c'est que en fait, en reconnaissant notre sens moral, ils reconnaissent notre définition du tribut et de la taxation. Hein. Alors dans ce cas-là, hein, on peut les accepter selon nos rites et notre esprit donc de concession, hein, li ran, hein, donc cette manifestation par excellence de la civilisation chinoise. Hein. Et dans ce cas-là, il ne faut pas couper donc les rênes et les laisser s'occuper donc des menus détails. Telle est la voie constante des anciens rois pour contrôler et repousser les man et les yi, donc c'est-à-dire donc les man, les sauvages du sud, et les yi, donc les sauvages de l'est. Alors paradoxalement, cette tirade du Hanshu nous fait entrevoir une motivation à la fois politique et économique dans cet acharnement que tous ces textes mettent à tirer un trait de démarcation entre pays centraux d'un côté et yi di, donc non civilisés, c'est-à-dire entre civilisés et sauvages, entre sédentaires cultivateurs et nomades cavaliers et chasseurs. Mais il y a aussi, donc, c'est une distinction qui recouvre celle qu'il y a entre ceux de l'intérieur, nés, hein, qui payent les impôts, et ceux de l'extérieur, qui sont censés donc payer le tribut, donc en signe d'allégeance. Mais alors tout le problème, c'est évidemment de les convaincre de payer le tribut. Alors, évidemment, ce que ce magnifique exercice de rhétorique anti-barbare ne dit pas, c'est qu'en réalité, ces Xiongnu, hein, auxquels Hanshu consacre un chapitre entier tout de même, hein, donc ces nomades vivant au nord du monde chinois, hein, étaient d'une puissance telle, hein, qu'ils étaient précisément capables d'inquiéter et d'attaquer les Han au point de devenir une menace permanente. Alors, si vous considérez cette carte, hein, qui n'est pas forcément d'une très grande exactitude, ni géographique, ni historique, mais toujours est-il qu'elle vous donne une idée, hein, de ce qu'était donc l'extension et la puissance de cette confédération Xiongnu, ici, donc, qui correspond en gros, en fait, à la Mongolie, hein, dans toute ce, aussi bien extérieure qu'intérieure, donc actuelle, et comparée à laquelle donc la Chine Han est quand même relativement réduite. Donc nous avions vu que les Han se sont fendus donc de missions diplomatiques, hein, eux qui sont tellement centripètes et centralisés, donc ont envoyé un général appelé Zhang Qian, donc vers l'ouest, hein, au 1er siècle avant l'ère chrétienne, donc pour essayer, donc Zhang Qian était un émissaire de l'empereur Wu, dont je viens de parler, dont le règne de 141 jusqu'à sa mort en 87 avant l'ère chrétienne a été l'un des plus longs et des plus marquants des Han antérieurs. Donc l'empereur Wu, malgré justement sa politique de conquête et d'expansion, malgré la puissance Han à l'un de ses apogées, donc, a dû envoyer donc Zhang Qian par deux fois vers l'ouest pour essayer de chercher des alliés contre les Xiongnu. Zhang Qian a dû pousser très très loin vers l'ouest, comme vous pouvez le voir justement sur cette carte qui reproduit donc ces deux expéditions. Donc, hein, et chaque fois, donc ces expéditions ont duré plusieurs années. Il a été retenu prisonnier, etc., etc. Donc vous voyez ici une illustration, un peu une image d'Épinal que vous voyez figurer sur les peintures murales de Dunhuang, donc dans le Kansu actuel, où vous voyez le Zhang Qian prenant congé donc de l'empereur Han Wudi, hein, et vous voyez ici sur cette carte, hein, quelle est la mesure justement de ces missions diplomatiques. Vous voyez donc ces Xiongnu donc qui exercent une pression permanente donc sur l'espace chinois. Ici vous avez l'espace chinois pris après la chute des Han. Vous voyez cette partition déjà en trois parties, hein, et les Xiongnu qui continuent à faire pression. Et donc là en fait cette espèce de recherche d'alliés stratégiques, hein, pour l'espace chinois vers l'ouest. Et ça c'est un point important pour nous puisque c'est cette recherche d'alliés vers très loin vers l'ouest qui va justement mettre le monde chinois au contact avec le monde indien au-delà donc de la barrière de l'Himalaya, hein, puisque donc ici vous avez ces missions qui vont chercher les alliés par là, et donc là on va bientôt avoir justement des récits concernant l'Inde. Alors ici je voudrais juste pour équilibrer un petit peu le récit faire référence à un article très intéressant de mon éminent collègue sinologue allemand de Munich, Hans van Hesse, que j'ai eu le plaisir d'inviter ici au Collège de France pour une conférence il y a quelques années. Donc cet article est intitulé donc The Ethos of the Envoy and His Treatment by the Enemy in Han History. Donc c'est donc l'éthos de l'émissaire et son traitement par l'ennemi dans l'histoire des Han. C'est un article qui est paru dans le périodique Crossroads, qui veut dire Carrefour, numéro 5, daté de l'année 2012. Et donc Hans van Hesse s'est fondé sur sa profonde connaissance du Shedi, c'est-à-dire des annales historiques de Sima Qian, et du Han Shu, donc des annales des Han antérieurs, pour étudier la réalité des relations entretenues par les souverains de la dynastie des Han antérieurs avec leurs voisins des marges et notamment les Xiongnu. Et ça donne quelque chose d'assez divertissant, hein, parce qu'on s'aperçoit que on est assez loin de la rhétorique hargneuse et belliqueuse du morceau de bravoure que nous venons de lire dans le Han Shu. En outre, ce qui est aussi assez croustillant, c'est que les péripéties et les petits arrangements que nous constatons dans ces relations entre les Han et leurs marges rappellent en tout point ce que nous observons à l'heure actuelle. Hein, vous savez que la Chine est très active sur le plan diplomatique et économique et géopolitique, dans son nouveau projet de nouvelle route de la soie, hein, le fameux projet Obo, One Belt, One Road. Hein, d'une certaine manière, c'est très amusant de voir que, au fond, la politique chinoise remonte même à l'époque Han, c'est-à-dire il y a à peu près 2000 ans. Hein. Alors, on voit en effet qu'en réalité, la diplomatie Han est faite en grande partie de petits calculs stratégiques qui fluctuent et qui sont constamment repensées et réadaptées en fonction du rapport de force. Alors je rappelle que le but principal est d'obtenir donc la soumission de la part de ces royaumes de la périphérie. Alors la soumission, c'est de les persuader de venir à la cour des Han, hein, faire des visites régulières. Hein. Alors on appelle ça le Zhuchao, c'est-à-dire entrer à la cour, hein, ce qui est une manière d'inclure ces gens des marges, hein, dans le cercle intérieur des princes feudataires qui étaient, eux, tenus de venir à la cour une fois par an. Hein. Donc, d'une certaine, symboliquement, faire venir ces Yidi, hein, ces sauvages, à la cour des Han, c'était au fond leur dire, comme ça, on pourra vous traiter à l'égal donc des princes feudataires, hein, comme si ça leur faisait une belle jambe. Hein, bon. Mais en revanche, si le rapport de force n'est pas extrêmement favorable, il s'agit d'obtenir au moins de ces royaumes périphériques un signe symbolique d'allégeance. Hein, donc, on imagine ces envoyés Han dire bon bah écoutez oui enfin si vous voulez pas vous déplacer jusqu'à la cour des Han ben au moins acceptez par exemple ce sceau. Si vous l'acceptez, ça veut dire que vous faites allégeance symboliquement donc aux Han. Alors ici vous avez un sceau de bronze donc avec qui porte une inscription, hein, qui date donc des Han postérieurs, autrement dit en fait qui est contemporain de la rédaction de ces annales des Han antérieurs, qui a été retrouvé donc dans la province actuelle du Qinghai, donc assez à l'ouest, hein, de la Chine actuelle, hein, et qui est conservé donc au Musée national de Pékin. Et alors ce sceau, hein, porte l'inscription donc Han Xiongnu Gui Yi Qin Han Zhang, hein, qui veut dire donc c'est un sceau qui est destiné au chef Xiongnu qui donc alors Gui Yi, ça veut dire littéralement faire retour vers le sens du juste, hein. Et ça vous rappelle tout à fait donc le mouyi de tout à l'heure, c'est-à-dire donc si ces sauvages acceptent, hein, d'aspirer à notre sens du juste, c'est-à-dire d'adhérer à notre sens moral, hein, nous pouvons donc les considérer comme des êtres civilisés. Hein. Donc ici, cette inscription rappelle justement cette expression. Donc c'est le au chef Xiongnu qui accepte de revenir vers le sens du juste et Qin Han, c'est-à-dire de considérer les Han comme famille, hein, comme dans une relation de parenté. Et ça, ça fait allusion justement à cette politique menée par les Han, hein, dont nous avons eu l'occasion de parler, donc du Heqin. Ici, vous avez un embout de tuile, hein, qui rappelle celui que je vous ai montré déjà plusieurs fois, donc cet embout de tuile qui porte lui aussi une inscription, c'est-à-dire donc Chan Yu Heqin, c'est-à-dire Chan Yu, c'est le titre du chef Xiongnu, Heqin, c'est-à-dire donc qui recherche l'harmonie en créant des liens de parenté, sous-entendu donc avec les Han. Alors cette politique de Heqin, c'est en fait une politique d'alliance par mariage que les Han ont mis au point, notamment avec les Xiongnu, parce que ces Xiongnu, hein, qui étaient assez puissants pour demander, exiger des Han d'être traités d'égal à égal avec eux, hein, ils insistent beaucoup sur ce qu'ils appellent le xiangtang, c'est-à-dire donc le traitement réciproque. Donc le moyen qu'on a inventé justement pour les amadouer, hein, c'est de leur envoyer des princesses, hein, chinoises de la cour. Hein. Alors Ce sont, en tout cas, en fait, ces femmes sont présentées, ces femmes du harem, donc sont du harem impérial, sont présentées comme des princesses, mais en fait, on soupçonne que ce sont des princesses un peu de seconde zone, enfin, ou celles dont on voulait bien se débarrasser, en quelque sorte. Hein. Alors, ces princesses sont échangées contre des chevaux. Du Fergana, hein, ces fameux Tiemma, hein, c'est-à-dire donc ces chevaux célestes que les Han ont découverts justement dans le Grand Ouest de la Chine, donc au Fergana, hein, qui est enfin ces chevaux d'une race supérieure à ceux que les Han connaissaient, hein, donc beaucoup plus grands, plus forts et par conséquent d'un plus grand prix à la guerre. Hein. Donc, Han Houdi en particulier, enfin, était prêt à n'importe quoi, enfin, je veux dire, pour obtenir ses chevaux. Hein. Donc, les princesses, c'était pas grand-chose, mais il a fait partir également aussi, enfin, des convois qu'on nous décrit vraiment, enfin, comme quelque chose de tout à fait impressionnant, des convois qui comprenaient 300 officiers, 600. Pièces de bétail, de l'or, des rouleaux de soie, etc. Donc, on était prêt vraiment en fait à dépenser énormément pour obtenir ces chevaux. Et alors, un exemple de cette exigence de la part des Xiongnu d'être traité sur un pied d'égalité avec les Han se trouve donc dans ce texte. Que cite Hans van Hesse, hein, et que vous avez ici dans la version du Shidi, qui consacre lui aussi, donc les annales historiques de Sima Qian, qui consacre également un chapitre entier au Xiongnu. Hein. Alors, Han Shi, Wang Wu Deng, Kui Xiongnu. Donc, les Han envoient, donc le souverain Han envoie. En émissaire, un certain Wang Wu, hein, ainsi que d'autres, hein, pour Kui Xiongnu, c'est-à-dire donc observer ou espionner les Xiongnu. Alors, autrement dit, il les envoie en éclaireur. Alors, Xiongnu fa, Han shi, fei qu jie, er yi mo qin qi mian zhe, bu de ru Xiongnu. Donc, selon la loi des Xiongnu, c'est-à-dire la règle établie par les Xiongnu, tout émissaire des Han, hein, qui refuse d'enlever ses insignes, hein, par exemple ses insignes de général ou de, et se tatouer le visage, hein, d'encre noire. Hein, n'obtenez pas l'autorisation, hein, d'entrer dans la yourte donc du chef Xiongnu. Alors Wang Wu, Bei Di Ren, Xi Hu Su, Qu Qi Jie, Qing Mian, De Ru Xiongnu. Donc ce Wang Wu, hein, cet émissaire des Han, était donc Bei Di Ren, c'est-à-dire un homme littéralement des terres du Nord, hein, autrement dit pas loin de ces justement de ces zone nomade, et de fait, il était familier des Rousseaux, hein, c'est-à-dire donc des coutumes roues, c'est-à-dire des coutumes barbares. Hein. Alors donc, pas de problème, il enlève ses insignes, se tatoue le visage d'encre noire, et donc obtient dûment l'autorisation d'entrer dans la yourte du chef Xiongnu. Alors, Chan Yu Ai Zhi, Xiang Xu Gan Yan, Wei Qian Qi Tai Zi, Ru Han, Wei Zhi, Yi Qiu He Qin. Donc, du coup, donc le Chan Yu, c'est-à-dire ce chef Xiongnu, apprécie cela grandement, hein, ou en tout cas, il se prend d'affection pour cet émissaire des Han qui accepte de se plier donc à la coutume des Xiongnu. Et donc, à tel point qu'il promet par des paroles très, très aimables, hein, d'envoyer son propre prince héritier à la cour des Han comme zhi, c'est-à-dire comme otage. Alors ce mot « zhi », qui est le mot consacré pour cette pratique d'envoyer quelqu'un dans une cour étrangère comme otage, hein, c'est-à-dire comme signe d'allégeance, hein, c'est un mot intéressant parce que ça veut dire, en fait, « zhi », c'est un mot assez générique qui veut dire, qui désigne quelque chose de substantiel. Hein. Autrement dit, quand on envoie quelqu'un en otage, ça veut dire qu'on est sérieux, quoi. Et comme otage et comme retin, c'est-à-dire comme signe justement de sa volonté de tio retin, donc de demander la paix par alliance matrimoniale, ou en tout cas pas en demandant la paix en envoyant justement son propre prince héritier pour établir un lien de parenté donc avec les Han. Donc ici, ce passage vous montre qu'un officier Han peut être amené donc à se tatouer le visage à la mode Xiongnu, hein, dans l'intérêt de la raison d'État. Et ce mot Qing, hein, qui est utilisé donc pour justement ce tatouage à l'encre, hein, c'est aussi un mot intéressant parce que ça désignait justement la marque infamante, hein, à l'encre, qui était l'un des cinq châtiments pénaux de l'Antiquité, hein, donc le plus léger, parce que les quatre autres consistaient à couper quelque chose, hein, c'est-à-dire ça pouvait être couper le nez, couper les pieds, la castration et finalement la décapitation. Donc la marque à l'encre, hein, était le châtiment, c'était un châtiment infamant, mais au moins on restait entier, quoi. Mais tout de même, en fait, le fait de justement que quelqu'un accepte de se barbouiller le visage d'encre, vous diriez bon, c'est pas cher payé pour obtenir une alliance, mais enfin, dans le contexte chinois, ça vous dit quand même quelque chose. Et alors là, nous devons nous rappeler justement cette phrase du Han Shu qui disait si vous faites un traité avec ces sauvages, ils dilapident les présents et vous dupent. Il semblerait en réalité que ce sont les Han qui ont été les premiers à chercher à duper les Xiongnu, notamment justement en retenant en otage leurs émissaires. C'est-à-dire, en fait, vous nous envoyez un otage justement comme signe de bonne volonté, mais il y a des otages qui n'ont pas été rendus. Hein, donc là, les Xiongnu leur ont rendu l'appareil, hein, ce qui était, si j'ose dire, de bonne guerre. C'était les cours du Collège de France le 7 décembre 2017. Vous venez d'écouter Han Cheng, Universalité, Mondialité, Cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde, suite. Aujourd'hui, comment traiter avec les sauvages. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Han Cheng. Elle est notamment l'auteur d'une traduction des entretiens de Confucius au seuil dans la collection Point Sagesse en 1981, et je rappelle son histoire de la pensée chinoise en Point Seuil en 2014. Han Cheng a cité l'ouvrage de Tsvetan Todorov, Nous et les autres, la réflexion française sur la diversité humaine, livre publié aux éditions du Seuil. Un grand merci à Annie Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête en compagnie d'Han Cheng sur la centralité et l'universalité en Chine et nous nous demanderons qui sont les autres au-delà des autres. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.